Livre 1, La société est sauvée. À chacun des 7 livres, l'ironie de Victor Hugo a donné pour titre un des slogans par lesquels Louis-Napoléon et ses flatteurs justifiaient le coup d'État. En effet, on a tué la nuit, on a tué le jour, l'homme, l'enfant, la femme. Crime et deuil, ce n'est plus l'aigle, c'est le vautour qui vole à Notre-Dame. Dans le quatrain qui suit, en un raccourci saisissant dont il a le secret, Victor Hugo remplace Napoléon III par Cartouche, célèbre chef de bande de voleurs parisiens au XVIIIe siècle, et Sylla, célèbre général et dictateur romain qui proscrivit ou fit assassiner ses opposants. Les bons jetés vivants au bagne ou morts au fleuve. L'homme juste proscrit par Cartouche Sylla. L'innocent égorgé, le deuil sacré des veuves. Les pleurs de l'orphelin, ils vendent tout cela.